Minette. Pif, paf, manuscrit inédit d'un chat. Ah, si ma grand-tante n'avait pas eu 100 000 livres de rente, un asthme et 75 ans. Cela m'aurait été bien égal, allez. Donc vous saurez que dans le monde entier, Minette n'a pas sa pareille. Ce que je vous en dis là n'est, je vous prie de le croire, ni pour sa beauté, ni pour sa gentillesse, ainsi que vous allez le voir, si vous êtes doué d'assez de patience pour me lire jusqu'au bout. Sur quoi d'abord je vous ferai mon compliment. La chatte de ma grand-tante est bien la plus vilaine chatte que l'on puisse voir. Sale, désagréable, dégoûtante. Dieu la mauvaise bête! Ah, si Minette n'avait pas été la chatte de ma grand-tante! Et si ma grand-tante n'avait pas eu 100 000 livres de rente, un asthme et 75 ans. Le poil de Minette est gris de cendre, ras, écourté, il y a même des endroits de son corps pelé. Et ce corps est d'une maigreur désespérante. On le dirait écorché, tant ses côtes sont ostensibles. Puis ses yeux gris-verts brillent tellement le soir, dans l'ombre, qu'on dirait deux vers luisants. Et quant à sa queue, mais c'est toute une histoire que l'histoire de cette queue. Une histoire de magie, diablerie, sorcellerie, que sais-je, moi? Vous la trouverez dans le chapitre suivant. Je dois avant vous parler des qualités de Minette. Avec toute la meilleure volonté du monde, il me serait impossible, je vous assure, de faire l'éloge de sa douceur, car, dont bien me souvient, je ne pourrais citer personne de celle qui l'approchait, entendons-nous, à qui elle n'ait donné quelques coups de griffe, à moi, toute la première. Il est juste aussi d'avouer que Minette est méchante, hargneuse, rancuneuse, boudeuse, voleuse, menteuse, gourmande, paresseuse, et mille autres petits défauts, tous plus agréables les uns que les autres. Défauts que je puis vous affirmer connaître parfaitement. Or, voici comme. Le matin, il me fallait laver, savonner, brosser Minette, ce qui, vous pensez bien, lui fournissait l'occasion de me faire apprécier ses nombreuses qualités. Ce premier soin rempli, Minette allait trouver sa maîtresse, qu'elle ne quittait plus le reste de la journée. Mais quand le soir venait, oh alors, c'était bien un autre emploi que j'étais obligé de remplir auprès de cette vilaine bête. Ah, si Minette n'avait pas été la chatte de ma grand-tante, et si ma grand-tante n'avait pas eu 100 000 livres de rente, un asthme et 75 ans. Je ne sais plus quel docteur de chat ou quelle vieille bonne femme avait prouvé à ma grand-tante qu'il ne fallait pas, à telle fin que Minette vive longtemps, la laisser dormir le soir au coin du feu. Et qui, croyez-vous, était chargé du joli office de tenir Minette éveillée? Moi, s'il vous plaît. Il fallait me voir, assise sur un petit tabouret, ayant sur un autre Minette, vis-à-vis de moi, jouant avec elle, soit avec une pelote dont je faisais une balle, soit avec une noix que je faisais courir devant elle. Et quand le jeu ennuyait Minette, au lieu de la pelote de fil ou des noix, c'était mes doigts, ma main, n'importe, que Minette griffait, et ma tante de rire, et moi de maugréer. Puis 9 heures sonnaient. Alors, laissant Minette dormir tout à son aise, après avoir distrait le chat, il me fallait amuser ma grand-tante. Vous savez ce que je vous ai déjà dit à cette occasion, je ne me répéterai pas. Toutefois, raconter une histoire passe. Avec un peu d'imagination, un peu de mémoire, un peu de bonne volonté, on en vient encore à bout. Mais laver une vilaine bête, mais sans laisser griffer les mains ou les bras, mais être obligé de l'amuser le soir pour l'empêcher de dormir, voilà ce dont j'enrageais, voilà ce qui m'aurait fait ajouter foi à ce que disaient quelques commères du quartier. Que cette chatte était un génie, une fée, qui sait, peut-être le diable. Dans le fait, vous avouerez que pour s'être fait aimer de ma grand-tante, qui n'aimait rien, pour lui avoir fasciné les yeux, au point de lui faire voir une belle bête dans la plus vilaine bête du monde, il fallait bien que cela fût. Et puis une aventure qui arriva quelque temps avant la mort de ma grand-tante vous le prouvera peut-être. Je dis « peut-être », car, dans ce siècle d'incrédulité, de lumière et de progrès, où tout est mis en doute, même le pape Saint-Simonien, je n'oserais jurer que vous me croirez. Toutefois, voici mon histoire.